Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbo-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6102. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbo et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbo et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. On sait que l'Impact a annoncé vendredi qu'ils vont changer de nom. Une décision complètement que je trouve farfelue. Et j'ai posé la question sur ma page Facebook. Comment sait-il que l'Impact n'est pas capable de construire une culture de soccer? C'est pas une question de changer de nom qui est le véritable problème. C'est qu'on a tout simplement... Il n'y a pas de culture de soccer au Québec. Et j'ai posé la question, comment sait-il qu'avec le plus de membership possible, que l'Impact n'est pas capable de construire une culture? Et il y en a un qui a levé la main, puis il a répondu à la question, il dit, je pourrais t'en parler longtemps, puis ça m'intéresse de lui en parler en onde. C'est Olivier Chartier, qui est le directeur technique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Olivier! Salut, ça va bien? Ça va bien. Olivier, oui, j'ai posé la question sur mon Facebook. Et t'as répondu, puis j'ai dit, tiens, ça va faire une bonne entrevue, ça. D'abord, comment tu trouves ça que l'Impact change de nom? Ben, moi, honnêtement, ça me fait absolument rien là, au niveau de moi-même. L'important pour moi, je pense que l'Impact qu'il doit avoir en 2021, c'est un bon produit sur le terrain. Idéalement, là, essayer de compléter leur équipe avec des joueurs désignés, parce que là, présentement, il y en a un seul avec Wanyama. Mm. Mais bien honnêtement, je vois pas pourquoi ils changent de nom, mais en même temps, je comprends aussi la décision que Kevin Gilmour et son équipe prennent. Mais t'es pas d'accord avec moi quand tu dis que pour bâtir une culture, il faut que tu aies une histoire. Puis l'histoire, l'Impact, il commence à en avoir une. Donc là, en changeant de nom, tu fais un reset sur ton histoire. Oui, mais peut-être que justement, il voulait peut-être... redresse cette histoire-là du passé. Pour quelle raison? Ça, honnêtement, je peux pas le dire. Mais tu sais, honnêtement, je pense que les gens, exemple, au niveau de la culture du soccer au Québec, là, en général, tu sais, la problématique, c'est que les gens, ils connaissent pas les joueurs des équipes adverses. Tu sais, c'est la réalité. Quand on parle de la culture du soccer, tu sais, au Québec, pas rien que de l'Impact, je parle en général au Québec, ouais. le gros problème, c'est notre climat, là. On ne sera pas de cachette, là, on peut pas jouer au soccer 12 mois à l'année à l'extérieur, puis ça, c'est une grosse différence par rapport au Canada au complet versus, exemple, les pays d'Europe où ils peuvent jouer à l'année. Mais d'après toi, y a-t-il juste aussi le fait qu'on compare beaucoup trop le soccer au hockey? Oui, honnêtement, puis c'est un changement de mentalité qu'on est en train d'essayer de faire également aussi de notre côté là au niveau de la région, puis même au Québec. Mais tu sais, même le hockey, ils regardent aussi pour changer beaucoup de trucs dans leur structure de développement. Oui, il faut qu'on se crée notre propre identité là au niveau du soccer, puis c'est quelque chose qu'on est en train de faire présentement, mais que ça prend des années à construire. Et comment qu'on fait ça? Ben, dans le fond, c'est faut tout simplement faire de l'éducation auprès des parents des jeunes. C'est trop souvent à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, on met l'accent sur le résultat. T'sais, ce qu'on parle, c'est est-ce que ton équipe a gagné à l'âge de 8 ans? Alors que c'est vraiment pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que les jeunes s'amusent, ça c'est la priorité numéro un. Puis la deuxième, c'est que les jeunes se développent. T'sais, trop souvent, on met l'accent sur la victoire trop tôt avec les jeunes. OK, même au hockey, au soccer, ce qu'on voit au hockey, tu n'entends parler des histoires d'horreur, là. Tu vois la même affaire avec au soccer? Non. Non? J'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer. Honnêtement, c'est sûr que c'est différent, mais... comme je vous explique, la culture est en train de vraiment changer par rapport à ça, les résultats au jeune âge. Au soccer, on a enlevé les classements, exemple, jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a 3 ou 4 ans. Chez Kowaki, ils commencent à faire ça aussi. Quand on prend l'exemple de la Finlande puis de la Suède, eux autres, qui ont dit on va axer vraiment le développement au hockey sur le joueur, exemple, des développements des habiletés individuelles. Ben c'est un peu ça le problème, c'est qu'on met un peu trop l'emphase sur l'aspect tactique très jeune. OK. Si on parlait un peu du côté aussi du soccer, tu as parlé du climat. Est-ce que c'est un fait que le futsal, c'est parce que le futsal, à quelque part, c'est ça qu'on essaie d'instaurer, le futsal, pour vraiment bâtir cette culture-là? Ben, le futsal, en réalité, c'est un sport qui est différent du soccer. T'sais, c'est deux sports différents. Puis, moi, dans la région, moi, je suis pour le futsal, puis j'adore le futsal. Puis nous, dans la région, présentement, on n'a pas le choix de faire du futsal, étant donné qu'on n'a qu'un stade de soccer à 7 contre 7 à Alma. Éventuellement, on va en avoir un à Saguenay en 11 contre 11. Mais tu sais, c'est sûr et certain que la réalité, c'est que on prend exemple les joueurs de hockey, ben eux, ils jouent sur une patinoire standard à l'année, tandis que nous, au soccer, ben on joue sur un terrain standard 3-4 mois par année. Ouais. Fait que tu sais, ça fait une grosse différence sur le développement dans notre région, en tout cas, ça c'est sûr et certain. OK, OK. Dis-moi, le sport-études, est-ce que vous travaillez avec le sport-études en collaboration? Pour créer un sport. Oui, ben, je suis le responsable du programme sport-études. OK. Puis, dans le fond, présentement, là, dans le programme sport-études, on a 55 jeunes un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont un jeune de Delbeau. Ben, pas un jeune de Delbeau, on a plusieurs jeunes de Delbeau. OK. Mais dont un là, dont un qui est vraiment quand même d'une qualité là, supérieure, on pourrait dire, là, qui l'année dernière est allé à l'Académie de l'Impact, puis qui était retranché dans les derniers. Ah, oui? Là, il s'appelle Zachary. Le jeune, un jeune de Delbeau? Ouais. Ouais. OK, son nom, fait c'est? C'est nous, notre... Son nom, c'est Zach-Olivier Lejeune. Zach-Olivier Lejeune, OK. Ah, c'est... Puis, cette année, ça veut dire... Est-ce qu'on s'enligne sur d'autres choses? Est-ce que lui va vraiment aller ailleurs? Ben là, la réalité, c'est que cet été, Zach-Olivier, il est supposé faire les Jeux du Québec avec nous. OK. Puis là, pendant les Jeux du Québec, l'Impact sont là pour venir regarder les joueurs, même chose avec l'équipe Québec. Et puis c'est sûr et certain que les gens ils vont le regarder jouer, puis selon ses performances, d'après ça, ils peuvent se classer pour aller plus loin. Fait que tu sais, quand on parle de culture soccer, ben moi c'est des trucs qu'il faut qu'on mette en place puis qu'on développe, d'essayer de promouvoir les jeunes à aller plus haut. Okay. Sans délaisser la base, ça c'est aussi le plus important, parce que c'est pas tout le monde qui vise d'aller au plus haut niveau. Donc il faut offrir un service dans tout le monde, tous ceux qui veulent plus s'amuser, ceux qui veulent aller plus loin. Okay. Puis c'est ce qu'on essaie de créer avec Isaac Olivier. Puis on a un autre jeune aussi dans son R3 en sport études qui est à Équipe Québec là, présentement. Fait que on a deux jeunes dans notre programme là, qui font du haut niveau. Okay. Fait que puis on a un jeune de Jonquière là, qui a joué pour l'équipe nationale U23 l'été passé, quelques matchs. Donc le truc au niveau de la culture du soccer aussi, c'est faut en parler de ces jeunes-là. Faut qu'on fasse la promotion de tout ça. C'est comme ça qu'on va créer la culture du soccer. Mais je le répète, ça va prendre des années puis des années. On parle de l'Impact. L'Impact sont rentrés en MLS en 2012. Oui, auparavant, ils jouaient en USL puis en NASL. Mais on prend le Canadien de Montréal, ça fait 100 ans qu'ils jouent. Mais est-ce que l'Impact en fait beaucoup? Je vais te dire, moi, je trouve que l'Impact en fait pas beaucoup pour la région. Écoute, je suis vraiment un de ceux qui travaille actuellement, qui essaye d'avoir des entrevues avec les joueurs de l'Impact. C'est difficile. Tandis que le Toronto FC, c'est beaucoup plus facile. Écoute, j'ai eu Laurent Simon, j'étais pas capable d'avoir quelqu'un qui jouait pour l'Impact, puis je l'ai eu avec le Toronto FC facile. C'est la même chose, j'ai eu Marc DeSantos en entrevue avec les Wildcats de Vancouver. Je serais pas capable d'avoir Thierry Henry. Là. C'est sûr que lui a quand même un statut de vedette internationale, je comprends, mais un entraîneur moins. J'aurais jamais été capable de l'avoir. Est-ce que l'Impact en fait beaucoup pour les régions? Moi, je pense que non. Ben, ça dépend. Il y a deux manières de le voir. Il y a l'Impact versus, exemple, leur équipe professionnelle, puis il y a l'Impact versus leur académie pour le développement, puis amener des joueurs vers l'équipe professionnelle. Je pense que l'académie de l'Impact en fait beaucoup pour les régions. Ils sont venus, là, 2 ans ici, faire des camps de détection. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problématique. Maintenant, au niveau professionnel, c'est sûr, certain que Thierry Henry doit être difficile à avoir en entrevue, c'est sûr. L'année dernière, on avait un stage d'entraîneur avec Soccer Québec, puis Thierry Henry venait d'être nommé, puis c'est sûr, certain que c'était impossible qu'il vienne faire un tour au stage des entraîneurs, puis tout ça. Mais je pense que l'Impact essaie d'en faire avec les régions au niveau du développement, puis de la détection. Chez les plus jeunes. L'été, quand ils ont les matchs, ils invitent les clubs de partout au Québec à aller faire des aides d'honneur et tout ça avant chaque match. Maintenant, au niveau médiatique, on pourrait dire, honnêtement, je peux pas te le dire là, s'ils en font assez ou s'ils en font pas assez. Mais je pense que l'Académie est sur le bon chemin. Puis quand on regarde, tantôt je parlais que, exemple, chez les plus jeunes, il faut pas regarder les performances. Mais quand on arrive à 14 ans et plus, il faut regarder les performances, puis leur académie, là, dans tous les niveaux d'âge, ils performent quand même très bien là, dans la Ligue de développement aux États-Unis. Okay. Olivier, un gros merci, au plaisir de se parler un autre tantôt, puis gêne-toi pas s'il y a quelque chose par rapport au soccer, on est là pour ça, ben, tu me vois passer, on est des amis sur les réseaux sociaux, donc gêne-toi pas s'il y a une information, c'est quelque chose, je viens de l'apprendre, qui a fait partie de l'Impact, le jeune, fait que un gros merci. Enfin, merci à toi. Olivier Chartier, le directeur technique du Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau du soccer.